Nouvelle en français, volume 1, Voix de l'Amérique, chapitre 4. Le travail des missionnaires chrétiens, plus dangereux que jamais, 26 février 2014. Pendant des siècles, les missionnaires ont bravé d'innombrables dangers. Mais les risques courus aujourd'hui sont très différents. De même que le contexte dans lequel ils opèrent, selon l'agence de presse Fides, basée à Rome. 22 missionnaires prêtres non et laïcs ont été tués en 2013, près de deux fois plus qu'en 2012. La plupart des décès sont survenus en Amérique latine, au cours de vols et autres délits mineurs qui se transforment en assassinats. D'autres missionnaires ont été enlevés dans des zones de conflit telles que la Syrie et la République démocratique du Congo, RDC. Et leur sort reste incertain, selon le père Georges Colomb, supérieur général des missions étrangères de Paris, MEP, jusqu'au XXe siècle. Un missionnaire mourrait avant l'âge de 40 ans. Difficile aujourd'hui d'obtenir un visa de missionnaire, ajoute-t-il. Donc nombre de prêtres se déplacent sur des visas de touristes, étudiants ou enseignants. Dans certains pays, on ne peut aller que pour des périodes courtes, 3 semaines, 1 mois, explique le père Colomb, si on veut un petit peu vivre un défi. Certains défis qui sont propres à la mission, notamment le défi de vivre en communion et au service d'une église persécutée, ou bien qui fait l'objet de mesures de brimade de la part d'une administration. Si l'on veut vivre avec une communauté catholique qui est tout à fait minoritaire dans un pays où les grandes traditions spirituelles ne sont pas le christianisme mais le bouddhisme ou l'hindouisme, ou l'islam, on part en mission, poursuit le père Colomb. Les jeunes gens qui choisissent d'être missionnaires savent ce qui les attend, et veulent faire leur preuve, fait-il valoir. Les MEP sont le plus ancien des instituts missionnaires, fondés au XVIIe siècle, pour former un clergé autochtone dans les pays d'Asie. Elles poursuivent leur mission d'évangélisation et de fondation de l'Église en Asie, ayant déployé quelque 240 prêtres dans une dizaine de pays de la région. En tout, on chiffre à environ 3000 le nombre de prêtres non et laïcs rattachés à l'Église catholique française qui servent ses intérêts à l'étranger, un chiffre en nette baisse comparé au siècle précédent, ce qui reflète la tendance séculaire de l'Europe. Le révérend Jean Forgeat, directeur adjoint pour les activités missionnaires au Conseil des évêques de France, évoque la tâche unique des missionnaires. Ils ont toujours encouragé la foi et l'évangile, fait-il valoir, mais œuvre également pour le développement humain. Le professeur Dries Van Isacker de l'Université catholique de Louvain, en Belgique, affirme que les missionnaires sont aujourd'hui confrontés à de nouveaux dangers qui mettent en évidence le contexte radicalement différent dans lequel ils opèrent. Je ne dirais pas que c'est moins dangereux d'être missionnaire aujourd'hui qu'il y a 100 ans. Au contraire, je pense qu'ils sont plus impliqués avec leurs prochains que dans le passé, et je pense que c'est une façon plus dangereuse de vivre qu'il y a un siècle, car à l'époque, ils étaient bien mieux protégés, par des moyens plus puissants, qu'aujourd'hui, déclare le professeur Van Isacker. Les leaders religieux centrafricains saluent l'appel de Ban Ki-moon, 21 février 2014, à Bangui. Les autorités religieuses saluent l'appel secrétaire général de l'ONU pour déployer plus de soldats et de policiers en Centrafrique jeudi. Ban Ki-moon a demandé au plus vite 3000 hommes en renfort sur le terrain. Ce vendredi, les chefs de l'Église catholique et de la communauté musulmane centrafricaine ont demandé aux civils de désarmer dans les églises et les mosquées. L'archevêque de Bangui, Dieudonné Nzapalinga, et l'imam de la capitale centrafricaine, Oumar Kobin Layama, ont conjuré tous les centrafricains de déposer les armes. Il est nécessaire qu'on augmente les troupes et les moyens financiers. Il est temps de reconstruire ce pays. L'annonce faite va dans le bon sens et nous espérons que cela sera suivi d'effets. Estime Dieudonné Nzapalinga, Catherine Samba Panza approuve aussi le plan de stabilisation du pays. Présenté Ban Ki-moon, la présidente de la transition a aussi promis de tout mettre en œuvre pour que l'aide financière de la communauté internationale bénéficie aux Centrafricains. Manifestation à Nouakchott contre une profanation présumée du Coran. La situation restait très tendue lundi dans la capitale mauritanienne. Après la mort d'au moins une personne lors de ces protestations, 3 mars 2014, en Mauritanie, un étudiant de 21 ans a été tué lundi lors de manifestations de colère dans la capitale, selon divers recoupements. Les protestations ont été déclenchées dans la nuit par une profanation présumée du Coran dans une mosquée de Teyaret, un quartier situé dans le nord de Nouakchott. Les autorités ont annoncé l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur toute l'affaire. Plusieurs personnes ont été blessées et d'autres arrêtées alors que les forces de l'ordre tentaient d'empêcher les manifestants de se diriger vers la présidence de la République dans le centre-ville, entre l'avant et dernière prière dimanche soir. 4 individus sont passés dans une mosquée de Nouakchott. Ils ont profané, ils ont déchiré 4 exemplaires du Coran avant de prendre la fuite depuis hier soir. Les gens ont commencé à se regrouper jusqu'à tard dans la nuit. Ils ont voulu aller à la présidence. Ils ont été empêchés par la police qui a même fait usage de gaz lacrymogène, a témoigné Moussaoud Ahmed, directeur de publication du journal mauritanien Biladi. Les 4 personnes portaient toutes des turbans et ne pouvaient pas être identifiées. D'après des témoins sur place cités par les agences de presse, le ministre de l'Information qui est le porte-parole du gouvernement et le ministre des Affaires islamiques ont réagi à la télévision, mais jusqu'à présent, personne au niveau du pouvoir n'a condamné cela. Ils disent qu'il faut encore attendre l'enquête pour voir ce qu'elle va apporter. Ce que le pouvoir n'a jamais fait dans les événements passés, a encore commenté le directeur de Biladi, selon le journaliste. Toutes les écoles et échoppes de la capitale ont été fermées lundi, alors que les manifestations se poursuivaient, malheureusement. Il y a eu déjà un mort et plusieurs blessés. La situation à Nouakchott restait très tendue dans la mesure où l'on ne sait même pas de quoi il s'agit. Tout cela arrive après une série un peu noire pour les musulmans, a renchéri Moussaoud Ahmed. La victime était étudiant en lettres à l'université de Nouakchott. Selon plusieurs agences de presse qui signalaient d'autres manifestations dans l'intérieur du pays, dans des villes comme Kifa et Ayoun dans le sud-est du pays, début février, un cas de profanation avait été signalé à Zouéra dans le nord. L'homme mis en cause avait été conduit à Nouakchott pour des examens psychiatriques. Un mois plus tôt, la publication d'un article jugé blasphématoire avait provoqué la colère de nombreux Mauritaniens. L'auteur, qui encourt la peine de mort s'il est trouvé coupable, comparaît en cour à Nouadhibou, situé dans la région nord-ouest de la République islamique de Mauritanie. Mohamed Bazoum à la VOA. Nous n'avons pas demandé la lune à Areva, invité de la Voix de l'Amérique. Le ministre nigérien des Affaires étrangères revient sur l'insécurité dans le Sahel et sur les difficiles négociations avec le géant français du nucléaire. 4 mars 2014, plus d'un an après le début de l'intervention militaire au Mali. Quel est l'état de la menace terroriste dans le Sahel, Mohamed Bazoum? Cette menace a été contenue du fait de l'intervention internationale, en particulier française. Toutefois, le Sahel et le Sahara resteront pour un certain temps le foyer de la menace terroriste. C'est un espace très vaste où les contrôles sont difficiles. Certains États n'ont pas établi leur autorité sur la totalité de leur territoire. Les trafics continuent et alimentent la violence et le terrorisme. Est-ce que la situation dans le sud de la Libye vous inquiète ? Mohamed Bazoum. Pour le moment, la Libye reste dans une situation d'instabilité révolutionnaire. L'État libyen n'a pas assis toute son autorité et ne contrôle pas le pays. Aujourd'hui, on compte le plus de morts et de violences terroristes dans l'est du pays. Il y a une liquidation systématique des officiers susceptibles de promouvoir l'armée. La situation est donc préoccupante au Mali. Êtes-vous satisfait de l'arrestation du capitaine devenu général Amadou Aya Sanogo? Mohamed Bazoum, c'était prévisible et je veux féliciter les autorités maliennes. Lors de la crise au Mali, Sanogo avait mobilisé des loubars pour empêcher la tenue du sommet de la CEDEAO à Bamako. À l'époque, je lui avais dit qu'il ne pourrait rester au pouvoir qu'en tuant du monde et que, si tel était le cas, cela le rattraperait un jour et qu'il devrait répondre de ses actes devant des juridictions internationales. La justice malienne semble aller vite concernant les bérets verts. En revanche, on déplore une certaine impunité pour les groupes du Nord. Appelez-vous à plus d'action, notamment contre le MNLA, Mohamed Bazoum. Je ne crois pas que le MNLA soit responsable de massacres ou meurtres de grande échelle. Évidemment, le MNLA est une organisation qui doit être désarmée mais pas par la force puisqu'il discute actuellement avec le pouvoir malien. Êtes-vous satisfait de la coopération sécuritaire aujourd'hui entre le Mali, le Niger, la Mauritanie et l'Algérie? Mohamed Bazoum, non. Je n'en suis pas satisfait même s'il existe un certain nombre d'instruments. Ces outils ne sont pas fonctionnels pour être à la hauteur de la menace. Il y a des obstacles politiques et diplomatiques. Les négociations avec le groupe français Areva sur l'exploitation de l'uranium au Niger sont dans l'impasse. Qu'est-ce qui bloque Mohamed Bazoum? Ces discussions se passent dans un contexte économique très défavorable pour les deux parties. Si le cours de l'uranium n'avait pas baissé, la situation serait différente. Nous souhaitons l'application du code minier de 2006, ce qu'Areva refuse. Nous n'avons pas demandé la lune à Areva, mais les arguments du groupe français ne sont pas dénués de fondement. Que demandez-vous à l'État français? Actionnaire majoritaire d'Areva, Mohamed Bazoum, les discussions sont difficiles et techniques. Nous demandons à l'État français d'intercéder pour que ces discussions se concluent avec la prise en compte des revendications de l'État du Niger. Que dites-vous aux Nigériens qui attendent depuis des années de mieux profiter de cette manne qu'est l'uranium? Mohamed Bazoum, c'est un mythe. Deux mines d'uranium de faible quantité ne peuvent pas changer le destin de tout un peuple. L'uranium n'est pas le pétrole, cela dit. Nous considérons que nous n'avons pas tiré assez profit de l'uranium, d'où les discussions actuelles. Mais ce procès qui est fait à l'État du Niger et à Areva n'est pas juste, il est l'œuvre d'ONG ou de certains citoyens nigériens qui ne comprennent pas tout. L'arrestation récente de plusieurs journalistes et d'un syndicaliste au Niger a pu surprendre. Certains y ont vu une crispation du régime. Que répondez-vous, Mohamed Bazoum? Il n'y a pas eu d'arrestation mais des interpellations. Le métier de journaliste est réglementé. On ne peut pas tout dire. Certains ont pris quelques libertés parce que nous sommes un régime démocratique et que le président a pris l'engagement de ne jamais arrêter un journaliste. Des choses graves ont été dites dans les médias. Nous avons voulu leur dire de faire attention. Propos recueillis par Nicolas Pinault, OMS. De nombreux pays, impuissants à prévenir et traiter les déficiences auditives, l'OMS estime que plus de 5% de la population mondiale, soit 360 millions de personnes, souffrent d'une déficience auditive handicapante. 28 février 2014, à l'occasion de la Journée internationale de l'audition, célébrée le 3 mars, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, rappelle que de nombreux pays n'ont pas les capacités de prévenir et de traiter les déficiences auditives. L'OMS estime que plus de 5% de la population mondiale, soit 360 millions de personnes, souffrent d'une déficience auditive handicapante. Explique un responsable, Tariq Jazarevic, c'est dans la région Asie-Pacifique, en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne que la prévalence de la déficience auditive est la plus forte. Chez les enfants, ajoute Monsieur Jazarevic, l'une des principales causes de déficience auditive sont les infections auriculaires non traitées. Par ailleurs, certaines maladies infectieuses évitables par la vaccination, telles que la rubéole, la méningite ou les oreillons, peuvent aussi entraîner une déficience auditive en l'absence de traitement. C'est en Afrique subsaharienne que l'écart entre les besoins et services serait le plus grand. Et pourtant, de nombreux cas de déficience auditive dans le monde peuvent être évités, grâce notamment à la vaccination ou traitée facilement. Parmi les mesures pratiques recommandées par l'OMS pour protéger l'ouïe, réduire l'exposition au bruit, éviter d'introduire des objets dans les oreilles et se faire vacciner, rappelle M. Jazarevic.